et je sens rallongé, et j'ai la vue mouillée d'ivresse en ivresse, l'âme un peu plus noyée. La nuit dernière, à chaque étoile, j'ai lancé un appel de détresse. J'ai crié que la pénitence cesse, mais la vérité, c'est que j'aime l'ivresse. La vérité, c'est que j'aime l'ivresse. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Dans tout ce rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Dans tout ce rêve, je rêve, je me perds. Et le corps en transe, ultime sentence, subit son errance de déesse en déesse. L'âme un peu plus damnée, à tout ce qui vit, à tout ce qui fuit, à Charlie, mon semblable, mon frère, à tout ce qui s'enivre sans trêve, à tout ce qui crève et qui s'en balance. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Dans tout ce rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Dans tout ce rêve, je rêve, je me perds. Elle est fine et longue comme un rayon de soleil, et elle sait réchauffer mon corps froid par magie. Qu'importe s'il s'agit de l'amour ou de l'eau, dans sa vie je serai son roi à chaque fois qu'elle en a envie. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Dans tout ce rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je me perds. Je rêve, je rêve, je rêve et je me perds. Dernière, à chaque étoile, j'ai lancé un appel de détresse, d'ivresse en ivresse, l'âme un peu plus damnée.